Yeah. Ouh, Radio 520 sur le mic, c'est Pascal, écoute ça. 78 combinaux sur le flow. Vous internet en flamme, on s'en fout, ouais, ton est trop chaud. C'est Radio 520, oh, tout c'est le 51. Oh, Radio 520, oh, viens, on pète les tampons. Oh, oh, oh, 520, oh, tout c'est le 51. Oh, Radio 520, oh, viens, on pète les tampons. Oh, oh, oh, oh.